cloche la ding ding ding dong. Pour ça la game en bas sans l'étonner. Pour faire un bas au disco, moins pour ça montrer. L'homme découvre tes boîtes, l'homme pas ouais en rien. Pas bon, moi, en rien.